La petite marmotte dans le jardin se faisait trouer le cul par une bouteille de Beaujolais entourée par du papier à l'eau. Ouais, je te jure, en plein dans le cul. Puis, j'ai vu trois pieds de porc l'autre jour dans la rue. Puis je me suis dit que les lapins en Espagne, ils se prenaient sûrement les cuites panachées avec des imprimantes couleurs. Et puis aussi, ouais, moi j'ai une grosse bite. Ce matin, je me suis levé avec une odeur de Beaujolais. Kékémou, putain, j'ai une tête de groule. Cet après-midi, 2 heures d'école. Kéké à semi-mou. M'en fous, je vais pas à l'école. Un tir pas fini. Faudra que je farme les mobs. J'ai fini toutes les coops. Avec une bite dedans. J'suis un puceau orgasmique. Qui chie des lapins. J'suis un puceau orgasmique. Fait de merde, tu perdu. Ce matin, télé. Et une serviette. Et après, PC. Et un gros con. Putain, qu'on se sent bien. Il a répondu. Avec de la bière et du vin. C'est toi la serviette. Je suis gros, j'ai les cheveux longs. Sur mes lunettes, y'a du jambon. Du jambon. Je n'ai pas le cunilingus. Ni la nulingus. Encore moins la nulingus. Moitié vu. 4h du mat sur mon PC. Y'a de la pizza dans les WC. Vas-y, envoie une tranche. Y'en aura jusqu'à dimanche. Coupez le gâteau. J'ai du mal à les faire, même sans le regard, j'ai du mal à les faire.